L'espion, épisode de la guerre des États-Unis, par Mark Twain. Voici, avec tous les détails qui me reviennent à l'esprit, l'histoire que me conta le major. Pendant l'hiver 1862 à 63, je commandais le fort de Trumbull à New London, dans l'état de Connecticut. La vie que nous y menions n'était sans doute pas aussi animée que celle des avant-postes, mais à sa façon, elle ne manquait pas de piquant et nos cervelles n'avaient pas le temps de s'atrophier, faute d'incidents émouvants. D'abord, l'atmosphère des États du Nord était toute chargée de rumeurs mystérieuses, de rumeurs concernant les espions des rebelles, qui, se répandant partout, se préparaient à faire sauter nos forts, à brûler nos hôtels, à introduire dans nos villes des vêtements contaminés, etc. Tous ces bruits, vous le rappelez bien, nous tenait en éveil et nous sauvait de l'ennui traditionnel de la vie de garnison. De plus, notre station avait pour but d'enrôler des recrues, ce qui revient à dire que nous n'avions pas de temps à perdre à rêver, à dormir ou à muser. Quelle que fût notre vigilance, le croiriez-vous, 50% des recrues du jour nous glissaient entre les doigts dès la première nuit. Les primes d'engagement étaient si considérables qu'une recrue pouvait donner 300 ou 400 $ à une sentinelle pour la laisser évader et conserver encore de sa prime, ce qui, pour un pauvre diable, était une fortune. Enfin, comme je le disais, pas de danger de s'engourdir dans cette vie-là. Un jour donc, étant seul dans mon logement à paperasser, je vis entrer un garçon de 14 ou 15 ans, pâle et déguenillé. Il me salua convenablement et me dit « Je crois que c'est ici que s'enrôlent les recrues. Oui, c'est ici. Voulez-vous m'inscrire, s'il vous plaît ?» « Impossible, mon garçon, vous êtes trop jeune et trop petit. » Il parut fort déçu. Puis cette déception devint de l'abattement. Il se détourna lentement, comme s'il allait partir. Il hésita, puis me regardant de nouveau, il me dit d'un ton qui m'alla au cœur. « Je n'ai pas de domicile, pas un ami au monde. Si vous vouliez seulement m'enrôler. » Il n'y avait pas à y songer. Je le lui fis comprendre avec toute la douceur possible. Je le fis asseoir près du poêle pour se réchauffer et j'ajoutai « Vous devez avoir faim, on va vous donner à manger. » Il ne répondit rien. Ce n'était pas nécessaire. Aucune parole n'eût été aussi éloquente que la reconnaissance qu'exprimaient ses grands yeux doux. Il s'assit près du poêle. Je continuai à écrire, lançant de temps en temps un regard furtif. Je remarquai que ses vêtements et ses souliers, bien qu'endommagés et sales, étaient solides et bien faits. Cette réflexion, ajoutée au fait que sa voix était douce et harmonieuse, ses yeux tristes et profonds, son maintien et son langage d'enfant bien élevé, me donna à penser. Le pauvre garçon n'était-il pas en train de se fourvoyer? Je commençais à trouver le cas intéressant. Mais peu à peu, m'absorbant dans mon travail, j'oubliais mon protégé. Je ne sais pas pendant combien de temps. Par hasard, je levai enfin les yeux. Bien qu'il me tournât le dos, je pouvais apercevoir une de ses joues le long de laquelle coulait silencieusement un ruisseau de larmes. « Dieu me pardonne, » m'écriai-je, « j'oubliais que le pauvre petit était affamé. » Pour réparer l'effet de ma coupable indifférence, je lui dis « Suivez-moi, mon garçon. Je suis seul aujourd'hui, et vous dînerez avec moi. » Il me jeta encore un regard reconnaissant. Un rayon de bonheur éclaira son visage. En se mettant à table, je remarquai qu'il tint la main sur le dos de sa chaise jusqu'à ce que je fusse assis, puis il se plaça à son tour. Je pris mon couteau et ma fourchette. Au lieu de m'en servir, je restai immobile, voyant mon compagnon qui inclinait la tête et murmurait sa prière en silence. Je me sentis inondé de 1000 bienheureux souvenirs de mon enfance et de la maison paternelle, et je soupirai en pensant combien je m'étais laissé entraîner loin de la religion, combien j'avais oublié le baume qu'elle offre au cœur malade, la force, le soulagement et les consolations qu'elle possède. Au cours de notre repas, je m'aperçus que le jeune Wicklow, son nom exact était Robert Wicklow, savait manier sa serviette, en un mot, qu'on lui avait inculqué de bonne manière. Mais passons les détails. Il avait aussi une simplicité et une franchise qui me gagnaient le cœur. Notre conversation roula surtout sur lui-même. Je n'eus pas de peine à lui faire raconter toute son histoire, et je me sentis de mieux en mieux disposé pour lui quand il me dit être né et avoir été élevé en Louisiane, où j'avais fait un séjour. Toute cette région des bords du Mississippi m'était chère et familière, et l'intérêt qu'elle m'inspirait n'avait pas eu le temps de se refroidir. Les noms mêmes qui tombaient des lèvres du garçon m'étaient si doux à entendre que je dirigeais la conversation de manière à les lui suggérer. Il parla de Bâton Rouge, de Plaquemine, de Nelsonville, Pointe de 60 000, Bonnet Carré, la Nouvelle-Orléans, la rue Tchoupitoulas, l'Esplanade, la rue des Bons Enfants, l'hôtel Saint-Charles, le cercle Tivoli, le lac Pontchartrain. Ce fut aussi avec un vif plaisir que j'entendais nommer le R. Early, le Natchez, l'Eclipse, le général Quitman, le Duncan F. Canner, et d'autres bateaux à vapeur si bien connus. J'aurais presque pu me croire transporté dans ces régions tant ces noms évoquaient vivement moi les lieux qu'ils représentaient. Voici en quelques mots l'histoire du petit Wicklow. Lorsqu'éclata la guerre, il vivait avec son père et une tante de faible santé, près de Bâton Rouge, dans une belle et prospère plantation qui appartenait à la famille depuis 50 ans. Le père était pour l'Union. On le persécuta de toutes sortes de manières, mais il resta fidèle à ses sentiments jusqu'à ce qu'enfin, une belle nuit, sa maison fut brûlée par des individus masqués et toute la famille se vit obligée de fuir. Traqué de lieu en lieu, ils connurent la pauvreté, la faim et la misère sous toutes les formes. La mort finit par venir au secours de la tante malade. Le dénuement, les intempéries auxquelles elle avait été exposée l'achevèrent. Elle mourut comme une vagabonde en plein champ, tandis que la pluie lui fouettait le visage et que le tonnerre grondait sur sa tête. Peu après, une bande de gens armés se saisit du père et le pendit sous les yeux même du fils, malgré les prières et les supplications de celui-ci. À ce moment du récit, une lueur sinistre brilla dans les yeux du jeune homme. Je l'entendis se répéter à lui-même. « Tant pis, si je ne peux pas m'engager, je trouverai bien un moyen. Oui, je trouverai un moyen. » Dès qu'on vit que le père était bien mort, on avertit le jeune homme que les choses iraient mal pour lui, si dans 24 heures il n'avait pas déguerpi. Cette nuit-là, il se glissa jusqu'au bord de la rivière et se cacha dans une plantation près du débarcadère, où le lendemain, il vit aborder le steamer Duncan F. Canner. Il gagna à la nage le bateau, qui traînait une yole à son arrière, et il s'y blottit. Avant le jour, on arriva au Stock Landing. Le garçon se glissa à terre, fit à pied les 3 000 qui le séparaient de la rue des Bons Enfants à la Nouvelle-Orléans, où demeurait un de ses oncles. Pour le moment, ses difficultés avaient cessé. Mais l'oncle appartenait aussi à l'Union et s'aperçut bientôt qu'il ferait mieux de quitter les États du Sud. Il se glissa donc avec son neveu sans tambour ni trompette sur un vapeur qui les déposa à New York, où ils descendirent à l'hôtel d'Astor. Au commencement, le jeune Wicklow s'amusa beaucoup à flâner dans Broadway et à voir les curiosités d'une ville du Nord, mais la situation s'assombrit. L'oncle, qui jusque-là avait été de bonne humeur, se montra peu à peu non seulement triste et anxieux, mais encore capricieux et irritable. Il insinua que ses fonds diminuaient, qu'il ne savait plus où en prendre. « Il ne m'en reste pas assez pour un, » disait-il, « bien moins pour deux. » Un matin, il ne parut pas au déjeuner. Quand son neveu alla s'informer au bureau de l'hôtel, il apprit que son oncle était parti la veille, non sans avoir payé sa note. Le garçon d'hôtel croyait qu'il se rendait à Boston, mais il n'en était pas sûr. Notre jeune homme restait seul, sans amis. Il ne savait que faire, mais pensa que le mieux serait encore d'essayer de retrouver son oncle. Il descendit au quai des steamers. Là, il apprit que le peu d'argent qui lui restait en poche ne suffirait pas à le conduire à Boston, mais bien à New London. Il prit une place pour ce port, résolu à se fier à la Providence quant au moyen de finir son voyage. Depuis 3 jours et 3 nuits, il errait dans les rues de la ville, trouvant ici le coucher et recevant là le pain de l'aumône. Mais il avait perdu le courage et l'espoir, il renonçait à la lutte. Personne ne serait plus reconnaissant que lui s'il obtenait la permission de s'enrôler au moins comme tambour, si on ne voulait pas de lui comme soldat. Il se donnerait tant de peine et il aurait tant de gratitude. Voilà en gros comment le jeune Wicklow me raconta son histoire. « Mon garçon, lui répondis-je, vous êtes tombé chez des amis. Oubliez vos chagrins. » Ses yeux brillèrent. J'appelai le sergent John Rayburn. Vous avez dû le connaître, natif de Hartford. Il y vit peut-être encore. Je lui dis. « Rayburn, voici un garnement que vous allez caserner parmi les musiciens. Je l'enrôle comme petit tambour. Occupez-vous de lui et veiller à ce qu'on le traite bien. Il va sans dire que là s'arrêtèrent pour le moment les rapports entre le commandant du fort et le petit tambour. Néanmoins, la pensée de ce petit garçon si abandonné me restait comme un poids sur le cœur. Je tenais l'œil sur lui, espérant le voir rasséréné, et lui trouver un visage plus joyeux. Mais les jours passaient sans amener de différence. Il ne fréquentait personne. Toujours distrait, toujours préoccupé, son expression restait triste. Un matin, Rayburn demanda à me parler en particulier. « Commandant, j'espère que vous m'excuserez, mais il faut que quelqu'un prenne la parole. Ces musiciens sont tous si montés. Qu'est-il donc arrivé ?»« Le petit Wicklow, commandant. Les musiciens sont d'une rage contre lui, vous n'avez pas idée. » « Continuez, qu'a-t-il fait ?»« Commandant, il passe son temps à prier. »« À prier ? » m'écriai-je. « Oui, commandant. Les musiciens n'ont plus de repos à cause des prières de ce gamin. Première chose, le matin, une prière. À midi, ça recommence. Et puis le soir, voyez-vous, il leur en casse la tête, on dirait un épileptique. Plus question de fermer l'œil. Il tient la corde, comme on dit. Et quand une fois le moulin à supplication est mis en branle, impossible de l'arrêter. » Il débute par le chef d'orchestre. Il vous prend ensuite le premier trompette, puis attrape la grosse caisse, et fait comme ça la revue de la bande avec une réclame pour chacun. Il y met tant d'intérêt, ma parole. C'est à croire qu'il pense bientôt s'en aller dans un autre monde, où, pour être bien content, il faudra une musique de cuivre, des hommes choisis sachant lui jouer les airs nationaux comme il conviendra là-haut. Lui lancer les bottes, commandant. Peine perdue. Il fait nuit dans la chambrée. Sans compter qu'il ne s'émeut de rien. Il continue à gazouiller, tout comme s'il était applaudi. On lui crie « Va te faire pendre ! Fusillons-le ! Ferme ton bec ! À la porte !» et bien d'autres gentillesses. Il n'y prend seulement pas garde. Après un moment, Rayburn ajouta « Avec ça, un brave petit idiot. Le matin, ça se lève et ça remet toutes les chaussures en place. Il trie tout cela et rend à chaque camarade ses bottes. Il y en a de quoi fournir un magasin. Mais on les lui a si souvent jetés qu'il connaissait le de chacun. Il pourrait les ranger les yeux fermés. » Encore un silence que je ne garde d'interrompre. Mais le plus cruel de l'affaire, c'est que lorsqu'il a fini de prier, en supposant que cela finisse une fois, voilà mon garçon qui se met à chanter. Vous savez, quand il parle, c'est comme du miel. Un chien en pierre à l'entendre viendrait lui lécher la main. Eh bien, mon commandant, je vous le jure, auprès de ces chants, c'est rien du tout. La flûte est comme une crécelle en comparaison. Oh, ce roucoulement tendre, doux, délicieux. Quand on l'entend là-bas dans l'obscurité, on se croirait au ciel. Mais pourquoi appelez-vous cela cruel ? Ah, voilà justement l'affaire, mon commandant. Entendez-le chanter. Oui, j'aime l'Éternel, qui voyant ma misère, écoutez-le seulement, vous verrez si votre cœur ne se fond pas, si vos yeux ne sont pas tout trempés. Peu m'importe les paroles, mais du premier coup, ces chants vous pénètrent au fond de votre vie, et chaque fois, ça vous retourne le cœur. Il chante encore « Oui, je suis ton enfant et tu m'as racheté. Tel est le sacrifice que mon cœur te présente, ô Dieu de charité. » Et ainsi de suite. Et l'on se sent plus mauvais, plus ingrat que la dernière des brutes. Et quand on entend les cantiques qui parlent de la maison paternelle, la mère, l'enfance, les vieux souvenirs, le passé qui ne reviendra pas, les camarades disparus, tout repasse devant vos yeux, tout ce que vous avez aimé est perdu, et c'est beau, c'est divin à écouter. Mais Seigneur, le cœur s'y brise. Les musiciens tous pleurent comme un seul homme, pas un borien qui ne sanglote, ils n'essayent même pas de le cacher. Et ces mêmes gaillards qui viennent de lancer leur botte à l'enfant sautent à bas du lit et se précipitent sur lui pour l'embrasser. C'est positivement vrai, on le caresse, on le câline, on lui demande pardon. Si un régiment entier, si un corps d'armée voulait à ce moment-là toucher un cheveu de la tête de ce garçon, notre musique marcherait pour le défendre. » Il s'arrêta encore. « C'est tout ? » lui dis-je. « Oui, mon commandant. »« Eh bien donc, que demandez-vous ? Que veut-on que je fasse ? » ?»« Ce qu'on veut que vous fassiez, mon commandant, mais juste ciel, il faut que vous l'empêchiez de chanter. » Voilà une étrange idée. Vous venez de dire que ces chants étaient divins. Eh bien, c'est justement... Trop divin pour de pauvres mortels, ça vous secoue un homme, ça lui retourne le cœur, ça vous farfouille dans ses sentiments, ça en fait une bouillie, on se sent mauvais, pécheur et digne de l'enfer. Ça vous met dans un tel état de repentir que l'on n'a de goût à rien et que tout est amer dans la vie. Et puis ces larmes, voyez-vous, chaque matin, ils sont tous honteux de se regarder en face. Voilà une drôle d'histoire et un singulier sujet de plainte. Vos camarades désirent donc vraiment faire défendre à ce garçon de chanter ? Mon commandant, c'est leur idée. Ils ne veulent pas trop demander, sans quoi ils auraient fameusement envie de faire boucher le trou aux prières, ou du moins d'y mettre une sourdine, comme qui dirait. Mais l'important, c'est les chants. Les camarades s'engagent encore à supporter les prières, si pour la musique on arrive à le bâillonner. Quoique ce ne soit pas drôle tout de même d'être traité comme ça en criminel. Je dis à Rayburn que je réfléchirai, et ce même soir, je m'introduisis furtivement dans le quartier des musiciens. J'écoutais, et je m'aperçus que le sergent n'avait pas exagéré. J'entendis s'élever dans l'obscurité des supplications au très haut. Les hommes surmenés de fatigue éclataient en exécrations. La pluie de bottes sifflait à travers la salle et tombait avec fracas contre la grosse caisse. J'étais touché, et cependant je trouvais la chose drôle. Après un silence pénétrant, les cantiques commencèrent. Grand Dieu ! Quel enchantement ! Quelle émotion ! Comment décrire quelque chose d'aussi doux, gracieux, tendre, sain et pathétique ? Je ne restais pas longtemps à l'écouter. Les impressions que je commençais à ressentir ne me paraissaient pas convenir au commandant d'une forteresse. Le lendemain, je fis interdire les prières et les chants. Il se passa 3 ou 4 jours pendant lesquels les recrues qui s'échappaient nous causèrent trop de tracas et nous maintinrent dans une trop grande excitation pour que je puisse consacrer à mon petit tambour une seule pensée. Mais un beau matin, le sergent Rayburn reparut à l'horizon. « Commandant, fit-il, votre protégé a de drôles d'allures. »« Quelles allures ? Il passe son temps à écrire. »« À écrire quoi ? Sa correspondance ?» C'est ce que je ne saurais dire. En dehors des heures de service, il est aussi continuellement fourré son nez dans tous les recoins de la forteresse. Je veux bien être pendu s'il reste un coin ou un trou qu'il n'ait pas visité. Et à chaque instant, il tire de sa poche des petits papiers sur lesquels il griffonne. J'aurais aimé pouvoir me moquer de cette histoire, mais j'éprouvais une pénible impression. Ce n'était pas le moment de se moquer de ce qui avait l'air louche. Tout ce qui se passait à cette heure autour de nous, dans les États du Nord, nous instruisait à être toujours sur le qui-vive, toujours en méfiance. Il me revint à l'esprit que ce garçon venait de l'extrême sud de la Louisiane. Ce fait, joint aux autres circonstances, n'était pas pour me rassurer. Et pourtant, les ordres que je fus obligé de donner à Rayburn me serraient le cœur. J'étais comme un père, dont les démarches doivent jeter la honte sur son propre fils et lui faire trouver le châtiment. Je dis à Rayburn de rester tranquille, de voir venir, et à l'insu du jeune homme, de m'apporter les papiers dont il pourrait s'emparer. Je lui recommandais de ne rien faire, qui pût donner à penser à mon protégé qu'on avait l'œil sur lui. Il devait jouir de sa liberté accoutumée, mais on le suivrait de loin, s'il allait en ville. Pendant les jours suivants, Rayburn me fit plusieurs rapports. Il n'avait pas eu de succès. Le garçon griffonnait toujours. Mais chaque fois que Rayburn approchait, il prenait un air dégagé et empochait ses papiers. 2 fois, il avait été dans la ville jusqu'à une vieille étable abandonnée dont il était ressorti au bout de quelques minutes. On ne pouvait hausser les épaules. Ses manèges avaient mauvais air. Je fus obligé de m'avouer que j'étais mal à l'aise. Rentrant dans mon quartier particulier, je fis appeler le commandant second, garçon judicieux et intelligent, fils du général James Wilson Webb. Il fut étonné et troublé. Nous causâmes longtemps, et nous décidâmes enfin qu'il valait la peine de faire une perquisition secrète. Je m'en chargeai en personne. M'étant fait réveiller à 2 heures du matin, j'étais peu après dans le quartier des musiciens, me faufilant 4 pattes parmi les ronfleurs. J'atteignis enfin le lit de mon vagabond endormi, et, sans déranger personne, je m'emparai de ses vêtements et je retournai, toujours en tapinois, dans mon quartier. Je trouvai Webb qui m'attendait, impatient de savoir le résultat de mes recherches. Nous fîmes notre examen séance tenante. Les vêtements nous causèrent une déception. Dans les poches, du papier blanc, un crayon, un couteau de poche, des bagatelles comme on amasse et on garde précieusement les garçons de cet âge. Il nous restait un espoir. Nous nous tournâmes vers les effets d'équipement. Nous n'y trouvâmes qu'une leçon à notre adresse. Sur la page blanche d'une petite Bible étaient écrits ces mots : « Étranger, qui que tu sois, pour l'amour d'une mère, sois bon pour mon enfant. » Je regardais Webb, il baissait les yeux. Il me regarda, je baissais les yeux. Ni l'un ni l'autre ne dîmes un mot. Je remis avec respect le livre à sa place. Webb s'en alla sans rien ajouter. Enfin, je rassemblai mon courage pour achever ma tâche répugnante et reportai à l'endroit où je les avais trouvés les objets confisqués, toujours en me traînant à quatre pattes. Cette attitude, pensais-je, va bien à cette œuvre ténébreuse. Lorsqu'elle fut terminée, je respirai plus facilement. Le lendemain, à midi, Rayburn revenait me rendre compte de la marche de nos affaires. Je l'interrompis. « Assez de cette bêtise. Le pauvre petit lapin est innocent comme un livre de prière. Et nous en avons fait un monstre. » Le sergent parut surpris. Il répondit « Enfin, commandant, je vous apporte, selon vos propres instructions, quelques-uns de ces papiers. » « Que disent ces papiers? Comment les avez-vous trouvés ?» En regardant par le trou de la serrure pendant qu'il griffonnait. Quand j'eus pensé qu'il avait à peu près fini, j'ai toussé et tout de suite mon garçon de chiffonner le papier et de le jeter au feu. Puis il regarde autour de lui, personne ne vient. Il reprend sa position avec abandon et insouciance. Là-dessus j'entre, je cause la pluie et du beau temps, je l'envoie faire une commission. Il part tout guilleret, pas d'arrière-pensée. Dans le feu de oui qu'on venait d'allumer, le papier était tombé derrière un gros morceau de charbon. Je le ramasse, et le voilà, presque paroussi, comme vous pouvez voir. Je jetai un coup d'œil sur deux ou trois des phrases que portait le papier. Je congédiai le sergent, le priant de m'envoyer Webb. Voici ce document en toutes lettres. Fort Trumbull, ce 8 courant. Colonel, je m'étais trompé sur le calibre des trois pièces mentionnées à la fin de ma liste. Ce sont des pièces de 18. Le reste de l'armement, comme je l'ai indiqué. La garnison également, comme l'ont marqué les rapports antérieurs, sauf que les deux compagnies d'infanterie légère qui devaient être détachées aux avant-postes resteront provisoirement ici. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je le découvrirai bientôt. Nous sommes d'avis que, tout bien considéré, il vaut mieux différer les choses jusqu'à ce... La lettre en était là, lorsque Rayburn avait en toussant interrompu l'auteur. Mon affection pour cet enfant, les sentiments de respect et de charité que m'inspirait son isolement, tout fut anéanti en un instant comme par un coup de foudre devant cette preuve de sa froide scélératesse. Mais c'était là un détail. Nous avions devant nous une affaire sérieuse. Il fallait immédiatement y donner notre profonde attention. Nous tournâmes et retournâmes la question. Nous l'examinâmes dans tous les sens. Webb dit enfin. Quel dommage qu'on l'ait interrompu. Quelque chose devait être différé. Jusqu'à quand? Et quelle chose? Peut-être allait-il l'ajouter, ce petit animal de jésuite? Oui, dis-je, le tour est manqué. Surtout, que signifie ce « nous » dont parle la lettre? Qui faut-il y voir? Des conspirateurs au dehors ou au-dedans du fort? Ce « nous » m'impressionnait péniblement, mais il ne servait à rien de nous perdre en conjectures sur le sens du mot, et nous passâmes à des réflexions plus pratiques. On décida d'abord de doubler les factionnaires et d'exercer la surveillance la plus stricte. On pensa aussi à faire venir Wicklow et à le forcer de tout avouer. Mais il semblait plus prudent d'attendre pour cette démarche que les autres eussent échoué. Il fallait encore nous procurer quelques échantillons de sa correspondance. Nous dressâmes des plans pour en obtenir. Frappés de la réflexion que Wicklow n'allait jamais au bureau de poste, nous pensâmes que l'étable abandonnée lui servait peut-être de boîte aux lettres. On appela mon chef de bureau. C'était un homme de confiance, un jeune Allemand nommé Stern, qui avait les instincts d'un agent de police. On lui raconta le cas qui nous occupait. Il fut prié de se mettre à l'œuvre. Moins d'une heure après, on nous avertit que Wicklow était à sa correspondance. Un peu plus tard, qu'il avait demandé la permission d'aller en ville. On le retint un moment. Pendant ce temps, Stern parlait comme un trait et se cachait dans l'étable. Il vit bientôt arriver Wicklow, qui regarda autour de lui, cacha quelque chose dans un coin sous des gravois et se retira aussi tranquillement qu'il était venu. Stern sauta sur cet objet. C'était une lettre. Il nous la porta. Elle ne portait ni adresse ni signature, commençait par les mêmes paroles que nous avions déjà lues, puis continuait ainsi. Nous sommes d'avis qu'il vaut mieux différer jusqu'au départ des deux compagnies. Je veux dire que c'est l'avis des quatre à l'intérieur. J'ai eu peur d'attirer l'attention en communiquant avec les autres. Je dis quatre parce que nous en avons perdu deux. À peine étaient-ils engagés et entrés ici qu'on les expédiait aux avant-postes. Indispensable de les remplacer. Les deux qui nous ont échappés étaient les frères de la pointe des 30 000. J'ai quelque chose de la dernière importance à révéler, mais je ne veux pas le confier à ce moyen de communication. J'essaierai de l'autre. « Le jeune scélérat, » dit Webb, qui eut cru que ce n'était ni plus ni moins qu'un espion. Enfin, ne parlons plus de cela, et résumons les faits pour voir où nous en sommes. Premièrement, nous avons parmi nous un espion de l'armée rebelle. Nous le connaissons. Secondement, nous en avons trois autres que nous ne connaissons pas. Troisièmement, les espions se sont introduits chez nous par un procédé simple et pratique en s'enrôlant au service de l'Union. Deux d'entre eux ont été évidemment battus à ce jeu et expédiés aux avant-postes. Quatrièmement, ils se trouvent hors de la place des espions affiliés, nombre inconnu. Cinquièmement, Wicklow voudra faire des révélations de la plus haute importance qu'il a peur de faire passer par ce moyen. Mais il essaiera de l'autre. Voilà l'état de la question. Maintenant, faut-il saisir Wicklow au collet et le faire avouer? Ou bien nous saisirons-nous de l'individu qui va chercher les lettres dans l'étable et le ferons-nous parler? Ou encore, nous tiendrons-nous quoi pour découvrir le reste? Ayant réfléchi que les conspirateurs attendraient probablement pour agir le départ de ces deux compagnies d'infanterie légère, nous pensâmes qu'il n'y avait pas lieu pour le moment d'en venir à des mesures coercitives, et entre ces trois parties, nous choisîmes le dernier. Prédestiné dans sa tâche, nous lui donnâmes des pouvoirs assez étendus et l'engageâmes à rassembler toute son énergie pour découvrir le second moyen dont parlait Wicklow. Nous étions résolus à frapper un grand coup. À cet effet, il fallait, aussi longtemps que possible, ne pas troubler la sécurité des espions. Ordre fut donc donné à Stern de retourner immédiatement à l'étable et, si le champ était libre, de remettre là où il l'avait prise la lettre de Wicklow, afin que les conspirateurs l'y trouvassent. Rien d'autre ne se passa ce jour-là. La nuit tomba, froide, sombre, neigeuse. Un vent aigre soufflait. Cependant, plusieurs fois, pendant cette nuit, je quittai mon confortable lit pour faire moi-même la ronde, constater que tout était dans l'ordre et les sentinelles en éveil. Chaque fois, je les trouvais vigilantes et l'œil ouvert. Des rumeurs étaient sans doute en circulation, des bruits de danger mystérieux. Les gardes, que nous avions doublés, semblaient confirmer ces craintes. Une fois, vers le matin, je rencontrai Webb, qui luttait aussi contre la bise pénétrante, et j'appris qu'il avait également fait plusieurs fois la ronde pour voir si tout allait bien. Les incidents du lendemain précipitèrent un peu les choses. Wicklow écrivit encore une lettre. Stern le précéda à l'écurie, et la lui ayant vu déposer, il s'en saisit aussitôt que l'autre eut disparu. Il sortit en tapinois et suivit à distance le petit espion. Lui-même avait à ses talons un agent de police en civil, car nous trouvions prudent d'avoir du secours sous la main en cas de besoin. Wicklow se rendit à la gare, attendit en se promenant l'arrivée du train de New York, puis examina tous les visages dans la foule des voyageurs qui descendaient du train. Après un moment, un monsieur âgé, portant des lunettes vertes, une canne à la main, s'avança en boitant, s'arrêta non loin de Wicklow et regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Wicklow se précipita vers lui, lui fourra de la main une enveloppe, se retira et disparut dans la foule. Encore un instant, Stern avait arraché la lettre au vieux monsieur. En passant près de l'agent de police, il lui dit rapidement « Suivez cet individu, ne le perdez pas de vue. » Puis s'échappant avec le flot des voyageurs, il vint droit au fort. Nous fîmes fermer les portes et donnâmes aux factionnaires la consigne de ne pas nous laisser déranger. Nous ouvrîmes en premier lieu la lettre saisie dans l'écurie. En voici la teneur. Sainte Alliance. Trouvé dans la bouche du même canon les ordres du maître, introduits depuis la dernière nuit, et annulant les instructions précédemment reçues d'une autorité subordonnée. J'ai mis dans le canon, comme auparavant, le signe convenu avertissant que les sudis ordres sont parvenus à qui de droit. Mais, dit Webb, interrompant cette lecture, ce garnement n'est-il pas sous une surveillance continuelle? Je répondis affirmativement. Depuis la saisie de la précédente lettre, on ne l'avait pas perdu de vue. Alors comment a-t-il pu glisser quelque chose dans un canon ou l'en retirer sans être surpris? Il faut avouer que c'est inquiétant, lui répondis-je. C'est aussi mon avis, dit Webb. Nous devons admettre qu'il y a des espions même parmi les sentinelles. Tout cela n'aurait pu se tramer sans quelque connivence de leur part. J'appelai Rayburn et le priai de faire l'examen des batteries pour voir ce qu'on y trouverait. Nous reprîmes notre lecture. Les nouveaux ordres sont péremptoires. Ils exigent que les MMMM soit FFFF, demain matin à 3h. 200 arriveront en petits détachements par le train et autrement, venant de divers points, et seront au moment voulu à l'endroit désigné. Aujourd'hui, le signe convenu sera remis à tous. Le succès paraît certain, bien que quelque chose ait dû s'ébruiter, car on a doublé les factionnaires et hier soir, les chefs ont fait plusieurs fois la ronde. WW vient aujourd'hui du Sud et recevra, par l'autre moyen, des ordres secrets. Soyez tous les 666 à 2h du matin précise. Vous y trouverez BB qui vous donnera des ordres détaillés. Le même mot d'ordre que la dernière fois, seulement renversé. Mettez la dernière syllabe en premier et vice-versa. Se rappeler XXXX. N'oubliez pas. Ayez bon courage. Avant le lever du soleil, vous serez des héros. Votre renommée vivra. Vous aurez ajouté à l'histoire une page immortelle. Amen. « 1000 bombes, » dit Webb, « mais ça chauffe furieusement ou je n'y comprends rien. » Je répondis qu'en effet, la situation commençait à être très grave. On ne pouvait en douter. « Une entreprise désespérée va s'exécuter, » continuai-je, « voilà qui est sûr et certain. Elle doit s'exécuter ce soir, c'est également certain. La nature précise de cette entreprise, je veux dire les moyens dont on doit user, sont cachés dans ces stupides tas de M et de F. » Mais le but en étant, comme je le crois, la surprise et l'occupation de ce poste, il faut agir avec rapidité et précision. Nous n'avons plus rien à gagner en continuant secrètement à traquer Wicklow. Il s'agit de savoir au plus vite ce que c'est que 66, afin de pouvoir fondre sur la bande à 2h du matin. Le moyen le plus direct d'obtenir ce renseignement sera évidemment de l'extorquer à notre garçon. Mais avant toute chose, avant de faire un pas aussi important, il faut que je soumette la situation au ministère de la guerre et que je lui demande des pleins pouvoirs. On me prépare une dépêche chiffrée, je la lus, l'approuvai et la fis expédier par le télégraphe. Nous reprîmes la discussion de la lettre qui nous occupait, puis nous passâmes à celle qui avait été arrachée au monsieur infirme. Cette lettre consistait en deux feuilles de papier à billets, et ces feuilles étaient blanches. Curieux et impatient comme nous l'étions, quelle douche d'eau froide! Quelle seule figure nous dûmes faire en nous sentant ainsi jouer. Mais ce sentiment fut éphémère. L'idée de l'encre sympathique nous vint aussitôt. Et approchant le papier du feu, nous attendîmes de voir apparaître les caractères que devait développer l'action de la chaleur. Rien ne se montra cependant, sinon de légères marques dont nous ne pouvions rien tirer. On appela le chirurgien-major. Il emporta le papier avec l'injonction d'y appliquer successivement tous les réactifs. Dès qu'il aurait mis la main sur celui qui convenait, il devait me communiquer le secret de la lettre. En attendant, nous étions déçus dans notre attente, car nous avions fermement compté trouver dans cette lettre un des principaux secrets du complot et nous maudissions ce retard. À ce moment, l'on vit paraître le sergent Rayburn, tirant de sa poche un morceau de ficelle d'environ un pied de long. Il la déploya à nos regards. Nous y vîmes trois nœuds. « Voici ce que j'ai trouvé dans un canot au bord de l'eau, » me dit-il. J'ai fait sortir les tables de toutes les pièces pour les examiner attentivement. On n'a rien pu trouver nulle part, sauf cette ficelle. C'était donc là le signe convenu de Wicklow pour annoncer que les instructions du maître ne s'étaient point égarées. Je donnai l'ordre qu'on fît immédiatement enfermer et tenir au secret tout factionnaire qui aurait été dans les environs de cette batterie pendant les dernières 24 heures et qu'il ne put communiquer avec personne sans mon consentement. Sur ces entrefaites, le télégramme suivant nous arriva du secrétaire de la guerre. Suspendre habeas corpus, mettre la place sous loi martiale, faire les arrestations nécessaires, agir vite et ferme, tenir ministère au courant. Enfin, nous étions en mesure de nous mettre à l'œuvre. Je commençai par faire tranquillement arrêter le monsieur infirme. Aussi tranquillement, on l'amena au fort, où je le fis garder en interdisant qu'on lui adressât ou qu'on lui laissât prononcer une parole. Il essaya de tempêter, mais finit par se calmer. Puis on va nous dire que Wicklow a été surpris, glissant quelque chose dans la main de deux de nos nouveaux conscrits, lesquels avaient été empoignés et emprisonnés dès que l'autre eut tourné le dos. Sur chacun des conscrits, on trouva un petit morceau de papier portant en crayon les signes et les mots que voici. Aigle, troisième, se rappelait XXXX, 66. Afin de me conformer à nos instructions, j'envoyai au ministère une dépêche chiffrée pour lui communiquer l'état présent des choses et décrire le document dont je viens de parler. Notre position paraissait maintenant assez forte pour nous permettre de jeter le masque en ce qui concernait Wicklow. Je le demandai donc et me fis en même temps rapporter la lettre à l'encre sympathique. En me la renvoyant, le chirurgien-major me fit savoir qu'elle avait jusque-là résisté à tous les réactifs, mais qu'il était prêt, sur un mot de moi, en essayer d'autres. Wicklow arriva, la démarche calme et assurée, malgré quelque chose de tendu et d'inquiet dans le regard. S'il avait quelques soupçons, ni son visage ni son maintien ne le trahissaient. Après l'avoir laissé un moment debout devant moi, je lui posai affectueusement quelques questions. « Mon garçon, qu'allez-vous faire si souvent à cette vieille étable ?» Il répondit avec franchise et sans embarras. « Je puis à peine vous l'expliquer, mon commandant. Je n'ai vraiment pas de raison pour y aller, sauf que je m'y trouve seul et m'y amuse. « Vous vous y amusez ?»« Oui, mon commandant, » répliqua-t-il, toujours innocent et candide. « Voilà tout ce qui vous y attire. » « Oui, mon commandant, » dit-il encore, et ses grands yeux doux me regardèrent avec un étonnement enfantin. « Vous êtes bien sûr de ce que vous dites là ?»« Absolument sûr, mon commandant. » Encore un silence et je lui dis « Wicklow, qu'avez-vous tant à écrire ?»« Moi, mon commandant, je n'écris guère. »« Vous n'écrivez pas ?»« Non, mon commandant, à moins que vous ne parliez de mes griffonnages. »« Je m'amuse en effet à barbouiller du papier. »« Pour en faire quoi ?»« Je n'en fais rien, je le jette. » « Vous ne l'envoyez à personne ?»« À personne, mon commandant. » Subitement, je lui mis sous les yeux la lettre adressée au colonel. Un faible tressaillement, puis il se remit tout de suite, quoiqu'en rougissant. « Comment se fait-il donc que vous ayez expédié le griffonnage que voici ? Je n'ai pas voulu faire de mal. »« Pas voulu faire de mal. » En trahissant l'État et les forces de la place, il laissa pendre sa tête et se tut. « Voyons, parlons, et plus de mensonges. À qui cette lettre devait-elle parvenir ?» Cette fois, il ne put cacher son trouble, mais reprenant possession de lui-même, il répondit d'un ton profondément pénétré. « Je vais vous dire toute la vérité, mon commandant, la vérité entière. » Cette lettre n'est adressée à personne. Je ne l'écris que pour m'amuser. Je vois maintenant que j'étais sot et coupable, mais parole d'honneur, c'est tout ce que j'ai à me reprocher. « Tant mieux, » lui répondis-je, « c'est un jeu dangereux qu'une correspondance de ce genre. Vous êtes bien sûr que c'est la seule lettre que vous ayez écrite, parfaitement sûr. » Cette audace était faite pour nous dérouter. Il avait prononcé ce mensonge avec l'expression la plus sincère qui pût se peindre sur un visage humain. Prenant le temps de calmer la colère qui me gagnait, je lui dis enfin « Wicklow, faites appel à vos souvenirs et voyez si vous pouvez m'aider dans deux ou trois petites questions que je voudrais élucider. Je ferai de mon mieux, mon commandant. Donc, pour commencer, qui est le maître ?» Wicklow se trahit au point de jeter sur nous un regard effaré. Mais ce ne fut que pour un instant. Il retrouva promptement sa sérénité et répondit avec calme « Je ne sais pas, mon commandant. Vous ne le savez pas. Je ne sais pas. Vous êtes certain de ce que vous affirmez ?» Il essaya de tenir son regard fixé sur le mien, mais la tension était trop forte. Son menton s'inclina lentement sur sa poitrine. Il resta là, silencieux, jouant avec un de ses boutons d'une façon nerveuse, digne de pitié, malgré l'infamie de sa conduite. Bientôt, je rompis le silence pour lui demander « De qui la Sainte Alliance est-elle composée ?» Tout son corps trembla. Il fit avec les mains un geste machinal, comme celui d'une créature aux abois qui demanderait merci. Toujours pas un son, toujours le visage baissé. Nous le regardions en silence, attendant sa réponse, et nous vîmes de grosses larmes rouler le long de ses joues. Mais il ne dit rien. Je parlais enfin. « Mon garçon, il s'agit de me répondre et de me dire la vérité. » Quels sont les membres de la Sainte Alliance ? Il continua de pleurer en silence. Je repris avec plus de vivacité. Voulez-vous me répondre ? Il fit effort pour dominer son émotion et prononça quelques paroles entrecoupées de sanglots et accompagnées de regards suppliants. Ayez pitié de moi. Je ne puis pas répondre car en vérité je ne le sais pas. Comment dites-vous ? Ma parole, mon commandant, je dis vrai. C'est la première fois que j'entends nommer la Sainte Alliance parole d'honneur. « Miséricorde divine » m'écriai-je. « Regardez donc votre seconde lettre. Voyez-vous ces mots, Sainte Alliance, qu'en dites-vous maintenant ?» Fixant ses yeux sur moi, il prit l'air offensé de quelqu'un à qui l'on fait un tort sérieux et dit d'un ton pénétré « Il y a là-dessous une méchante farce, mon commandant. Comment a-t-on osé me faire ce tort à moi qui n'ai fait de mal à personne et qui ai tant essayé de suivre le droit chemin ? On a imité mon écriture. Jamais je n'ai tracé une ligne de cette lettre. C'est la première fois que je la vois. « Menteur jusqu'au fond de l'âme !» m'écriai-je. « Et ceci, qu'en dites-vous ? Je tirai vivement de ma poche la lettre indéchiffrable et la lui présentai. Il devint pâle, pâle comme un cadavre. Sa résolution sembla fléchir. Il mit la main contre la muraille comme pour se retenir. Après un moment, d'une voix si faible qu'à peine pouvait-on l'entendre, « Vous l'avez lu ? » dit-il. Mes lèvres allaient former le « oui » de mon songe, mais nos visages avaient sans doute déjà trahi la vérité, car je vis à ses yeux qu'il reprenait courage. J'attendis ce qu'il dirait. Il gardait toujours le silence. Je parlais enfin. Qu'avez-vous à dire au sujet des révélations contenues dans cette lettre ? Il répondit avec une assurance parfaite. Rien, sauf qu'elles sont absolument innocentes et ne peuvent faire de mal à personne. J'étais un peu attrapé, ne pouvant contredire cette assertion, et je ne voyais plus clairement ma route. Mais il me vint une idée. Vous affirmez donc ne rien savoir ni du maître, ni de la Sainte Alliance, et ne pas avoir écrit cette lettre, qui, d'après vous, serait une contrefaçon de votre écriture. J'affirme. Lentement, je tirai de ma poche la ficelle à nœud, et sans rien dire, je la tins devant lui. Il la contempla avec indifférence, et me regarda d'un air interrogateur qui mit ma patience à l'épreuve. Mais je parvins à maîtriser mon humeur et à dire de ma voix ordinaire « Vous voyez ceci, Wicklow ?»« Oui, mon commandant. »« Comment appelez-vous ce que je tiens là ?»« Cela me paraît être un bout de ficelle. »« Vous paraît. » »« Et que serait-ce d'autre ? Vous la reconnaissez ?»« Non, mon commandant, » dit-il avec un sang-froid parfait. Son calme était merveilleux. Je me tus pendant plusieurs minutes pour ajouter par ce silence à la solennité de mes paroles. Puis me levant, je lui dis gravement « en posant ma main sur son épaule. « Tout cela ne vous fera pas de bien, mon pauvre enfant, pas le moindre. Ce signe à l'échange avec le maître, cette ficelle nouée, trouvée dans un des canons du bord de l'eau. « Trouvée dans le canon ? Non, non, ne dites pas cela, pas dans le canon, pas dans une fente de la tape. Elle n'a pu se trouver que dans la fente. » Là-dessus, tombant en genoux, joignant les mains, il leva vers nous un visage qui faisait mal à voir par sa blancheur et la mortelle terreur qu'on y lisait. « Vous vous trompez, la ficelle était dans le canon. »« Il y a donc une erreur. Bon Dieu, je suis perdu. » Se redressant d'un bond, il se précipita à droite, puis à gauche, cherchant à éviter les mains que nous tendions pour l'arrêter et faisant tout ce possible pour échapper. Ne pouvant s'enfuir, il retomba à genoux, sanglotant de toutes ses forces, m'entourant les jambes de ses bras, s'accrochant à ma personne avec des prières et des supplications. « Ayez pitié de moi, » disait-il, « ayez compassion, ne me trahissez pas. » Jamais on ne me pardonnerait, on me mettrait à mort. Protégez-moi, sauvez-moi, je vous avouerai tout. » Ce ne fut pas chose facile de le calmer, de faire passer cet accès de terreur et le ramener à un état plus raisonnable. Lorsqu'enfin nous y réussîmes, je me mis en devoir de l'interroger de nouveau. Il me répondit d'un ton soumis, les yeux baissés, abandonnant de temps en temps les larmes qui ne cessaient de couler. « Vous êtes donc de cœur avec nos ennemis ? Oui, mon commandant. Et un espion, je le suis. Vous avez obéi à des ordres positifs reçus du dehors ? Oui, mon commandant. Vous avez agi de votre plein gré ? Oui, mon commandant. Peut-être même avec satisfaction. Inutile de le nier, mon commandant. Le Sud est mon pays. Mon cœur est avec les gens du Sud et bat pour leur cause. Alors l'histoire des maux que vous aviez endurés, des persécutions subies par votre famille, tout cela, était un tas de contes de votre invention. On m'avait enjoint de le dire. Et vous n'avez pas eu de scrupule à trahir et perdre ceux qui vous avaient accueillis avec compassion. Sentez-vous toute la bassesse de votre conduite, mon malheureux enfant ? Il ne répondit que par des sanglots. Enfin, passons là-dessus et venons au fait. Qui est le colonel et où se trouve-t-il ? Il recommença à pleurer abondamment et demanda instamment à être dispensé de répondre. Il savait que parler serait sa mort. Je le menaçai de l'enfermer au cachot s'il ne nous donnait pas les renseignements nécessaires. En revanche, je promis de le protéger contre tout danger s'il parlait franchement. Pour toute réponse, il ferma la bouche avec résolution et prit un air d'obstination. Ne pouvant en venir à bout, je finis par l'emmener. Un regard jeté sur le cachot le fit changer d'idée. Il éclata de nouveau en sanglots et en supplications et promit de répondre à tout. Je le ramenai donc. Il commença par nommer le colonel et donna son signalement complet. On devait le trouver en bourgeois dans le principal hôtel de la ville. Je fus encore obligé de le menacer pour lui faire nommer et décrire le maître. « On le trouverait, dit-il enfin, au numéro 15, Bond Street, New York, où il se donnait le nom de R.F. Gaylord. Le nom avec le signalement de l'individu furent télégraphiés au chef de la police de la capitale avec prière de faire arrêter et garder ce Gaylord jusqu'à ce que je puisse l'envoyer chercher. « Maintenant, repris-je, il paraît que dans New London se trouvent encore plusieurs de vos complices. Je voudrais avoir leur nom et leur signalement. » Il me nomma et me décrivit trois hommes et deux femmes. Tous habitaient le principal hôtel. Sans hésiter, je donnai l'ordre de les amener et de les retenir dans la forteresse, ainsi que le colonel. Maintenant, il faut que je sache tout ce qui concerne vos trois complices de l'intérieur du fort. Je vis qu'il allait encore essayer de me tromper, mais je produisis les papiers mystérieux qui avaient été trouvés sur l'un d'entre eux, et ce spectacle le ramena à d'autres sentiments. Je lui dis que nous étions maîtres de deux de ces hommes, qu'il devait nous désigner le troisième. Il fut fort effrayé. « Ne m'y forcez pas, je vous en conjure, » s'écria-t-il, « il me tuerait sur l'heure. » Je lui dis que c'était là de l'enfantillage, que je m'engage à mettre quelqu'un près de lui pour le protéger, et que je veillerais à ce que ces hommes comparussent sans armes. Je donnai l'ordre qu'on réunit toutes les nouvelles recrues, et le malheureux enfant, fou de terreur, malgré l'air d'indifférence qu'il cherchait à assumer, passa devant cet rangée d'hommes, dit à l'un d'eux une unique parole, et avant que le garçon eût fait 5 pas de plus, le soldat était arrêté. Dès qu'il fut revenu parmi nous, je fis amener les trois hommes et fis avancer l'un d'eux. « Maintenant, Wicklow, lui dis-je, ayez soin de ne pas vous écarter d'un millimètre de la vérité. Dites-moi qui est cet homme et ce que vous savez sur lui. » Il n'y avait plus moyen d'y échapper. Il ne s'occupa plus des conséquences, regarda l'homme en face et parla sans hésiter. « Le vrai nom de ce soldat est George Bristow. Il est de la Nouvelle-Orléans. Il devint, il y a 2 ans, contremaître du paquebot le Capitole, qui faisait le service des côtes, capable de tout, a été 2 fois aux galères pour homicide. La première, pour avoir assommé avec la barre du cabestan un matelot nommé Hyde. La seconde, pour avoir tué un matelot qui refusait de faire les sondages, ce qui n'était du reste point son affaire. Envoyé ici par le colonel à titre d'espion. Il était à bord du Saint-Nicolas quand ce vaisseau fit explosion aux environs de Memphis en 58. Et il manqua d'être lynché pour avoir dévalisé les morts et les mourants pendant qu'on les conduisait à terre dans un canot. Le reste à l'avenant. Après avoir écouté toute la biographie de cet homme, je lui demandai ce qu'il avait à répondre. « Sauf le respect que je vous dois, mon commandant, je n'ai jamais entendu débiter un plus infernal mensonge. » Je le renvoyai sous les verrous et j'appelai les autres soldats. Le résultat fut le même. L'enfant nous fit de tous une histoire détaillée, sans jamais s'arrêter pour chercher un mot ou un fait. Mais pas un de ces coquins ne voulait rien avouer, et chacun se borna à jurer à protester que ce n'était que mensonge et que calomnie. Je les fis réintégrer dans leur cachot, et je fis comparaître l'un après l'autre tous mes prisonniers civils. Là encore, Wicklow me révéla leur histoire complète, les villes du Sud dont ils étaient originaires, et les détails de leur rapport avec la conspiration. Tous nièrent les circonstances alléguées. Personne n'admit la vérité d'un seul fait. Les hommes s'emportèrent, les femmes hurlèrent. Selon eux, ils étaient tous d'innocents citoyens de l'Ouest. Tous étaient plus attachés à l'Union qu'à n'importe quoi au monde. Lassés, écœurés, je les mis tous au séquestre et revins à mon Wicklow. Où est le numéro 66 et qui est bébé? Mais ces révélations n'allèrent pas plus loin. Les menaces, la douceur, n'y purent rien. Le temps passait. Il fallait prendre des mesures sérieuses. Je le pendis par les pouces sur la pointe des pieds. À mesure que la douleur s'accentuait, il se mit à pousser des cris que j'eus à peine la force de supporter. Cependant, je tins bon, et bientôt je l'entendis hurler. « Détachez-moi, je vous en conjure, je dirai tout. »« Non, vous parlerez avant d'être détaché. » La souffrance devait être atroce. Ces mots lui échappèrent enfin. Numéro 66, Auberge de l'Aigle. C'était une misérable taverne au bord de l'eau, fréquentée par diverses sortes d'ouvriers de terre et de mer, dont quelques-uns sont fort peu recommandables. Je le détachai et demandai quel était le but du complot. « De prendre le fort, ce soir, » dit-il d'un ton résolu, mais les sanglots reprenaient. « Tous les chefs sont-ils entre mes mains? Il vous manque ceux qui devaient se réunir au 66. » « Que signifie se rappeler XXXX ?» Pas de réponse. « Quel est le mot de passe pour entrer au 66 ?» Pas de réponse. Que signifient ces groupes de lettres FFFF et MMMM? Répondez-moi, sinon vous savez ce qui vous attend. Je ne répondrai jamais, j'aime mieux mourir, faites comme vous voudrez. Pensez bien à ce que vous dites, Wicklow, c'est votre dernier mot. Sa voix ne trembla point, il répondit fermement. c'est mon dernier mot. Aussi sûr que j'aime mon pays opprimé et que je hais tout ce qui est éclairé par ce maudit soleil du Nord, je mourrai, plutôt que de révéler ces choses. Nous recommençâmes la torture des pouces. C'était affreux d'entendre les cris de cet enfant, mais on ne put rien lui extorquer. À chaque question, il répondait par les mêmes paroles entrecoupées des mêmes cris. « Je puis mourir, je mourrai, mais je ne révélerai rien. » Il fallut y renoncer. Persuadé qu'il aimerait réellement mieux mourir que parler, nous le délivrâmes et on l'enferma sous bonne garde. Les heures suivantes se passèrent à envoyer des dépêches au département de la guerre et à préparer notre attaque sur le numéro 66. Quelle agitation que celle de cette nuit sombre et glaciale! Tout s'était ébruité et la garnison entière était en émoi. Les factionnaires étaient triplés et personne au dehors ou au dedans du fort ne pouvait faire un pas sans être arrêté par un mousquet braqué contre sa tête. Malgré tout, nous éprouvions, Webb et moi, une sorte de soulagement. Un si grand nombre des principaux agents de la conspiration étaient tombés dans nos griffes qu'elle devait nécessairement être désorganisée. Je me dis qu'il fallait se trouver au numéro 66 avant l'heure indiquée, mettre la main sur le nommé bébé, le bâillonner et se tenir prêt à recevoir ses complices à leur arrivée. Il était environ 1h15 du matin lorsque je sortis doucement de la forteresse, suivi du jeune Wicklow, les mains attachées derrière le dos, et d'une demi-douzaine de nos soldats, gaillards solides et prêts à tout. Je fis comprendre à mon jeune ami que nous nous rendions au numéro 66, que s'il se trouvait qu'il nous avait trompés encore une fois, il nous ferait le plaisir de nous conduire à l'endroit voulu ou de nous dire pourquoi. Nous nous approchâmes en tapinois de la taverne et nous commençâmes par nous reconnaître. Une lumière brillait dans la petite buvette. Le reste de la maison était dans l'obscurité. La porte d'entrée s'ouvrit sans difficulté. Nous entrâmes doucement, la refermant après nous. Nous ôtâmes nos souliers et je me dirigeai vers le comptoir à la tête de ma bande. L'Allemand qui tenait l'établissement dormait dans son fauteuil. Je le réveillai doucement. Je le priai de retirer ses bottes, de ne pas prononcer une parole et de nous montrer le chemin du numéro 66. Il obéit sans mot dire, malgré l'ahurissement et la terreur qu'il éprouvait sans doute. Sans faire plus de bruit qu'une bande de chats, nous grimpâmes deux ou trois étages, puis arrivés au bout d'un long corridor, nous nous trouvâmes en face d'une porte dont la vitre dépolie laissait faiblement entrevoir de la lumière. L'aubergiste, me cherchant dans l'obscurité, me fit comprendre à voix basse que c'était bien là le 66. J'essayai d'ouvrir la porte, elle était fermée à clé au-dedans. Toujours en chuchotant, je dis un mot à l'un des plus robustes de mes soldats. Il appuya contre la porte ses vastes épaules, j'en fis autant, et d'un coup, elle fut arrachée de ses gonds. Je vis vaguement se dessiner dans le lit une forme humaine, puis une tête qui se précipita vers la bougie pour la souffler. Nous étions dans l'obscurité la plus noire. D'un bond, je sautai sur ce lit, dont l'hôte se débattit vigoureusement, mais je lui appliquai mes genoux sur la poitrine et de la main gauche, je parvins à le saisir à la gorge. La tâche de mes genoux était ainsi facilitée. Enfin, je tirai de ma poche mon revolver et, l'armant, j'approchai le froid métal en guise d'avertissement de la joue de mon prisonnier. « Maintenant, m'écriai-je, je le tiens bien. Qu'on nous donne de la lumière. » On frotta une allumette, la clarté se répandit dans la chambre, je regardai mon captif, par ma barbe, c'était une jeune fille. Je lâchai prise et descendis du lit, l'air passablement penaud. Chacun de nous regarda bêtement son voisin dans le blanc des yeux. Personne ne conserva un grain de présence d'esprit. Le coup avait été trop soudain et écrasant. La jeune personne se mit à pleurer en se couvrant le visage de son drap. L'aubergiste nous dit d'un ton soumis. « Ma fille, elle a fait quelque chose pas bien, Nichtwahr ?»« Votre fille ? C'est donc là votre fille ? Oh oui, c'est ma fille, qui est revenue ce soir un peu malade de Cincinnati. »« Que le diable ! » Ce garçon en a encore menti. Ce n'est point ici le 66 qu'il nous fallait. Nous ne tenons pas à bébé. Maintenant, Wicklow, comme je vis, si tu ne trouves pas sur l'or le vrai 66, hé, où est Wicklow ? Parti, aussi vrai que je vous le dis là, et qui plus est, pas moyen de retrouver sa trace. Nous étions dans nos jolis draps. Je maudissais mon imprudence de ne l'avoir pas attaché à un des soldats, mais il était trop tard. Et maintenant, que faire ? La question était pleine d'angoisse. Après tout, il n'était pas prouvé que la jeune personne ne fût pas le fameux bébé. J'en doutais, mais mon scepticisme n'était pas une preuve suffisante. Je postai finalement mes hommes dans une chambre vacante en face du numéro 66, en leur enjoignant de mettre la main sur quiconque approcherait de cette pièce et de tenir auprès d'eux l'aubergiste ou bonne garde jusqu'à nouvel ordre. Puis je retournai en toute hâte voir si tout allait bien dans mon fort. Oui, tout y était bien et tout resta bien. Je veillai toute la nuit pour m'en assurer. Il ne se passa rien, et en voyant venir l'aube, ce fut avec une intime satisfaction que je pus télégraphier au ministère que le drapeau de l'Union flottait encore sur le fort Trumbull. J'étais délivré d'un poids terrible. Pourtant, le cas était encore grave. Ma vigilance et mes efforts ne se relâchèrent point. Je fis comparaître mes captifs l'un après l'autre pour leur arracher des révélations. Je les travaillai durant des heures. Tout échoua. Ils grincèrent des dents, s'arrachèrent les cheveux, mais ne dirent rien. Vers midi, je reçus des nouvelles de mon vagabond. On l'avait vu à 6 heures du matin sur la grande route, à une distance d'environ 8 milles, se dirigeant vers l'ouest. J'envoyai à ses trousses un lieutenant de cavalerie accompagné d'un soldat. À 20 milles au-delà de la ville, dans la campagne, ils trouvèrent Wicklow, qui, ayant escaladé une haie, traversait péniblement un pré marécageux dans la direction d'une grande maison de vieille apparence qu'on voyait sur le bord du village. Faisant un détour, nos cavaliers passèrent par un chemin couvert et arrivèrent à la maison du côté opposé. Ils descendirent de cheval, coururent à la cuisine, n'y trouvèrent personne et passèrent dans la chambre voisine, également inoccupée. Mais elle communiquait par une porte ouverte avec le salon, situé sur le devant de la maison. Ils allaient passer cette porte quand ils entendirent une voix basse, des murmures, quelqu'un était en prière. Par respect, les deux hommes s'arrêtèrent. Le lieutenant passa la tête et vit un vieux couple agenouillé dans un coin de la pièce. C'était en effet la voix du vieux monsieur qu'on avait entendu. Au moment où il finissait son oraison, la porte du jardin s'ouvrit et Wicklow parut dans la pièce. Les deux vieux s'élancèrent sur lui, l'étouffèrent de caresses tout en s'écriant « Notre enfant, notre chéri, que Dieu soit loué. Celui qui était perdu est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. » « Eh bien, monsieur, le croiriez-vous ? Le jeune vaurien était né dans cette ferme, y avait été élevé, ne s'en était jamais éloigné de plus de 5 milles dans toute sa vie, jusqu'au jour où, comme un vagabond, il s'était introduit dans mon quartier et m'avait abusé avec ses sornettes et ses pleurnicheries. C'est vrai comme l'évangile. Le vieux pasteur était son père et la vieille dame était sa mère. » L'histoire de cet enfant et de ses exploits exige encore quelques éclaircissements. Il se trouva que c'était un amateur enragé de romans à 10 sous, de feuilletons à sensations. Il trouvait sa joie dans les sombres mystères et les actes d'héroïsme retentissants. Il avait lu dans les journaux comment les espions ennemis circulaient secrètement parmi nous, leurs desseins ténébreux, 2 ou 3 de leurs hauts faits, assez brillants, il faut en convenir, et son imagination s'était enflammée. Il avait en outre, pendant quelques mois, eut pour compagnon habituel un jeune homme de paroles faciles et de vive imagination qui avait servi 1 an ou 2 comme comptable sur certains paquebots qui faisaient le service entre la Nouvelle-Orléans et diverses stations du Mississippi. De là, sa grande facilité à manier les noms et détails de cette région. Je n'y avais moi-même servi que pendant 2 ou 3 mois avant le commencement de la guerre. Je n'en savais que juste assez long pour être mis dedans par mon petit bonhomme. Un véritable habitant de la Louisiane l'aurait pris en défaut au bout de 10 minutes. Et savez-vous pourquoi il aimait mieux mourir que d'expliquer quelques-unes de ces énigmes de traître? Parce qu'il ne le pouvait pas. Elles n'avaient pas de sens. Il les avait fait surgir de son cerveau sans prévision ni arrière-pensée. Soudainement, mis en demeure d'en donner l'explication, il n'avait pas eu le temps d'en inventer une. Impossible de révéler ce que contenait le document écrit à l'encre sympathique, pour la bonne raison que c'était une feuille de papier blanc. De même, il n'avait pas songé à mettre dans le canon quoi que ce fût. Ses lettres étaient adressées à des personnes imaginaires, et quand il en portait une dans l'écurie, il avait soin de retirer celle de la veille. Il ne savait rien de cette ficelle, il l'apercevait pour la première fois. Mais dès que je l'eus laissé entrevoir d'où elle venait, il entra dans cette idée, et son instinct romanesque l'aida à en tirer les beaux effets que nous avons racontés. M. Gaylord était une création de son cerveau. À ce moment, il ne se trouvait même pas dans le numéro 15 de Bond Street. On venait de le démolir. Le colonel était également une invention, comme l'étaient aussi les rapides biographies des malheureux que j'avais fait arrêter et confronter avec Wicklow. Il avait imaginé Bébé, et même, l'on peut dire, le numéro 66, car avant d'y être mené, il ne savait pas que ce numéro existât dans l'auberge de l'Aigle. il était prêt à inventer et créer tout ce qu'on lui demanderait. Si je parlais des espions du dehors, vite, il me décrivait des étrangers qu'il avait entrevus à l'hôtel et dont il avait, par hasard, entendu le nom. Oui, pendant ces quelques jours de trouble, mon jeune homme a vécu dans un monde mystérieux, brillant, romanesque. Je crois que pour lui, tout cela était bien réel et qu'il en avait joui jusqu'au fond du cœur. Mais pour nous, quel tracas! Quelle coupe d'humiliation il m'avait laissé à boire! Songez que du fait de ce garçon, nous avions dans la forteresse 15 à 20 personnes arrêtées, enfermées, avec des sentinelles devant la porte. En leur qualité de militaires, la plupart n'avaient pas droit à mes excuses. Mais les autres étaient des gens de bonne compagnie, venus de tous les coins du pays. Il n'y avait pas d'explication au monde qui pût les calmer. Ils ragèrent, tempêtèrent et nous donnèrent bien du mal. Et ces deux dames, l'une, femme d'un membre du Congrès pour l'Ohio, l'autre, sœur d'un évêque des États de l'Ouest. Vous dire le mépris, les larmes de colère, les termes de dérision dont elles m'inondèrent, je vous réponds que je garderai d'elle un souvenir éternel. Le vieux monsieur Lunette était le président d'un collège de Philadelphie venu pour l'enterrement d'un neveu. Jamais, cela va sans dire, il n'avait vu Wicklow. Et non seulement il avait manqué son enterrement et s'était fait coffrer comme espion des États du Sud, mais encore Wicklow, à sa barbe, dans mon quartier, l'avait tranquillement dénoncé comme un faux monnayeur, incendiaire, voleur de chevaux et marchand de nègres, et avait déclaré qu'il sortait d'un infâme repaire de bandits. Le vieux monsieur ne parvenait pas à prendre son parti de ce réquisitoire. Et le ministère de la guerre? Tirons le rideau. Nota bene. J'ai communiqué au major ce manuscrit. Il m'a dit que mon ignorance des choses militaires m'avait fait commettre quelques bévues, plutôt pittoresques d'ailleurs, et reconnaissables seulement pour les gens du métier. Mais il m'assure que les principaux faits de l'histoire sont exacts et que je les ai bien rendus. Ainsi s'achève L'Espion, un épisode de la guerre des États-Unis, par Mark Twain.